Énergie électrique. Kasi pona o etali motema esengi Yesu. Ole na bomoi. Sans cesse, ma consolation lors de la détresse. Oh, le rocher qui couvre mes faiblesses. Jésus est ma forteresse. Oh, qui me remplit de joie et ce sans cesse. Mon réconfort lors de la détresse. Rocher qui cache mes faiblesses, Jésus. Oh bien-aimé, pourquoi t'inquiéter? Y'a ni n'amour ou n'yon quoi, mon akoma mi kumba ya makama. Puisque par ces meurtrissures, nous sommes guéris de nos blessures. Et le châtiment qui nous était réservé tomba sur ce seul juste vainqueur de Golgotha. Et lequel fit de sa victoire notre victoire. Alléluia. Thank you. kasi ngako na bangate Yesu moi atongo iwana telima kasi nga Bambonge telima yanga mutima sekinya Kamuni nga ishilu babingi mulungi ya balungi Kabolingone na umamoto ya likolo Sitye suba si konstan se bungweni Nga ilobi mosumu kile lo mosatwe Ole, ole nanga aeswe Yonzambe monene sembo na maloba na yo Lelo mosa pela tilo pete Batula mabiko mba lelo Batenga mibamba mama pasa Oh Yesu pole Oh Yesu pole